Nouvelle étape du chemin à la rencontre de notre âme. Vous installez confortablement, le dos droit, sans tension. Et vous portez votre attention sur votre respiration, douce, profonde. Vous n'essayez pas d'en modifier le rythme, vous l'observez simplement, la regardez. Vous portez maintenant tout doucement votre attention au creux de la paume de vos mains. Vous ressentez peut-être une présence, un échauffement. Acceptez-le. Vous portez maintenant doucement votre attention au creux de la plante de vos pieds. Regardez-les simplement, observez-les. Vous portez maintenant tout doucement votre attention au niveau de votre front, entre les deux yeux, au-dessus de la racine du nez. Et là, vous voyez apparaître une profonde couleur indigo. Indigo d'une nuit sans lune. Profond. Calme. Paisible. Et dans cette nuit sans lune, vous regardez les étoiles. Elles sont innombrables. Et vous vous envolez vers elles. Vous êtes au milieu des galaxies, et vous volez. Vous êtes bien. Et là-bas, tout au loin, vous apercevez une étoile plus brillante que les autres qui semble vous appeler. Vous vous dirigez vers elle. Elle est là, devant vous. Et vous vous posez sur elle. Vous reconnaissez ce lieu. Il vous parle. Vous vous sentez chez vous. C'est votre étoile. L'étoile dont vous venez. Celle qui vous a donné naissance. Celle que vous retrouverez un jour. Un frère apparaît. Il vous dit: viens mon frère, que je te montre le chemin. Il se dirige avec vous vers un énorme cristal. Un cristal pur, lumineux. Vous vous approchez de ce cristal et vous l'entourez de vos bras. Vous sentez qu'il vit. Il y a comme un cœur qui bat à l'intérieur de lui. Écoutez-le. Peu à peu, le rythme de votre cœur se met à battre l'unisson avec celui du cristal, avec celui de l'étoile, avec celui des étoiles. Ces vibrations sont pleines d'amour et de force. Et peu à peu, vous vous confiez à cette poussière d'étoiles. Vous lui confiez vos doutes. Vos doutes dans votre vie affective. Vos doutes dans votre vie professionnelle. Dans votre vie familiale. V vos doutes dans votre vie spirituelle. Tout ce qui vous fait douter de vous, de vos intuitions, de votre créativité. Vous confiez tous vos doutes à ce cristal frère, à cette parcelle d'éternité. Cet ami accueille vos doutes et les transmet à la terre, afin que la terre les transforme en pure lumière. Votre communion avec le cristal s'intensifie. Vous ne sentez plus votre corps. Vous êtes le cristal. Vous êtes la terre. Vous pénétrez complètement en lui. Vous sentez, cristal. Vous êtes, cristal. Poussière de lumière et poussière d'étoiles. Vous vous sentez magique, majestueux, lumineux, vivant. Vous prononcez maintenant une prière ou une formule sacrée de votre choix. Une forme apparaît face à vous. Ce peut être un animal, un symbole. Un être irréel ou vivant. Ce peut être un mot. Regardez-le attentivement. Votre guide est maintenant devant vous. Ouvrez votre cœur à sa présence. Si c'est la première fois que vous le rencontrez, vous pouvez lui demander son nom. Puis puis vous lui posez une question. Une question importante pour vous actuellement. Votre guide apporte la réponse. Ce peut être sous forme de paroles, de symboles, d'objets. Il est possible également que la réponse se manifeste dans quelques jours dans votre vie quotidienne. Vous le remerciez et peu à peu il disparaît. Vous revenez lentement à votre corps. Vous sentez de nouveau votre cœur qui bat et le cristal que vous étreignez. Et vous remerciez ce frère de toute l'aide qu'il vous a apportée. Votre planète est là et vous décidez de la quitter. Mais vous savez que vous pourrez y revenir quand vous le souhaitez. Vous revenez parmi les étoiles et vous apercevez la planète Terre. Vous redescendez vers elle. Et vous retrouvez votre corps. Vous revenez tout doucement à votre état de conscience ordinaire. Et quand vous le souhaiterez, vous ouvrirez les yeux, vous vous étirerez. Vous êtes là. Ici et maintenant.